cachez-vous le secret du Père Noël. Avec ses rênes et son traîneau dans le ciel, il passe à travers les nuages blancs pour offrir des jouets à tous les enfants. C'est beau Noël, c'est beau de rêver, c'est beau de chanter Noël à tous les enfants de la terre, un rêve qui devient réalité. C'est beau Noël. La neige tombe et le vent tourbillonne. On entend loin les cloches qui sonnent. Ce sera pour les enfants une nuit sans fin, car ils pensent à leurs cadeaux près du sapin. C'est beau Noël, c'est beau de rêver, c'est beau de chanter Noël à tous les enfants de la terre, un rêve qui devient réalité. C'est beau Noël. Au matin, les enfants sont déjà debout pour découvrir dans la joie leur joujou. Ils joueront avec toute la journée. C'est ça la magie de Noël, s'amuser. C'est beau Noël, c'est beau de rêver, c'est beau de chanter Noël à tous les enfants de la terre, un rêve qui devient réalité. C'est beau Noël, c'est beau Noël, c'est beau de rêver, c'est beau de chanter Noël à tous les enfants de la terre, un rêve qui devient réalité. C'est beau Noël.